tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. 1967, nous l'avons vu et entendu depuis le début du mois. 1967 ne fut pas une année comme une autre. Enfin si, ou oui et non. Simplement, en 1967, rappelons-le, on ignorait que l'année 1968 en France et dans le monde entier allait à jamais lui voler la vedette. 1967 s'en moquait bien, cela dit, tout occupé à affûter son esprit critique. La France était certes, comme toujours, le centre du monde, mais le monde vivait, s'exprimait, ici et là était en guerre, souffrait, et France Culture témoignait de cet état de choses. Ainsi, aujourd'hui, nous évoquerons la Chine, le Vietnam, les États-Unis bombardant le Vietnam, et enfin, une autre image des États-Unis, pacifique celle-ci, et en réaction à la précédente, celle des hippies. La Chine, donc. Il faut former une génération de révolutionnaires, inventer l'homme nouveau. Le Vietnam, les impérialistes s'y enterrent eux-mêmes. Première émission, Le Monde contemporain, par Jean Debert et Francis Crémieux. Nous étions le 25 février 1967. Mais nous ne sommes sinologues ni vous ni moi, cher Francis Crémieux, et il faut bien dire que pour allonger, pour étendre, pour approfondir notre information et celle de nos auditeurs, il faut encore que nous ayons des circonstances particulières, et nous en avons une aujourd'hui. Il s'agit du retour à Paris pour, je crois, un mois de vacances, du correspondant de l'agence France-Presse à Pékin, qui est arrivé en Chine fin janvier 1966, qui a quitté Pékin il y a 3 semaines et qui va y retourner dans quelques semaines, Monsieur Jean Vincent. C'est lui, il est là. Vous êtes donc parti comme volontaire, mais qu'est-ce que vous pensiez du problème chinois? Comment le situiez-vous dans le contexte asiatique et dans le contexte mondial? À cette époque-là, je pensais, comme tout le monde, je crois, ou presque tout le monde du moins, que le problème dominant, c'était une éventuelle intervention chinoise au Vietnam. On ne parlait que de ça dans les journaux chinois, on ne parlait que de ça dans les revues chinoises, et on peut dire dans la presse mondiale. Vous considériez que le Vietnam était pour la Chine le problème numéro un, de même que la Chine est pour nous le problème numéro un. Exactement, oui. C'était un problème grave. Et puis alors, je suis arrivé à Pékin à la fin de janvier 1966, et je me suis aperçu rapidement qu'on parlait tout de même beaucoup du Vietnam dans les conversations diplomatique ou journalistique ou avec des Chinois, des rares interlocuteurs chinois qu'on peut avoir à Pékin. Mais je me suis aperçu que le problème dominant, n'est-ce pas, pour ces gens sinologues amateurs ou sinologues complets, selon les cas, qui habitent Pékin, ça n'était pas du tout le Vietnam, c'était une critique dramatique. C'était un article de critique dramatique, on ne parlait que de ça. Et d'un auteur dramatique qui s'appelle Wu Han, qui était à ce moment-là, le vice-maire de Pékin, et par conséquent, l'un des assistants de M. Peng Chen. Non, mais ça, c'était le début de la mise en place des armes idéologiques de la révolution culturelle. C'est ça, oui. Mais vous dites les sinologues, mais dans le peuple chinois, dans la rue, ce n'était pas le Vietnam qui semblait être le problème numéro un. Non, je ne crois pas, non. On parlait beaucoup des critiques assénées à Wuhan, qui est un historien, un dramaturge assez connu. Alors, vous considérez que le Vietnam, c'est presque pour eux, comme dirait Jean Debert, une péripétie. Je ne considère... Non, on ne peut pas dire ça du tout, non. Dans la politique chinoise, certainement pas. Dans la politique chinoise, ce n'est pas seulement une péripétie. Le Vietnam, la guerre du Vietnam s'inscrit certainement dans la perspective révolutionnaire de Mao Tse-tung, du renversement de l'impérialisme. Mais indiscutablement, les impérialistes sont enterrés au Vietnam. C'est un tombeau, n'est-ce pas, où les impérialismes s'enterrent eux-mêmes, d'ailleurs, s'enlisent, mais tout de même assez lointain de la Chine. Et la Chine n'a jamais indiqué qu'elle interviendrait au Vietnam, à moins, bien sûr, que le peuple vietnamien le lui demande, c'est-à-dire à moins qu'une décision soit prise à l'échelon gouvernemental. Mais alors, comment réagit le peuple à cette affaire? Parce que ce qui serait intéressant de connaître, c'est la vie quotidienne en Chine. J'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu comment vous interprétez le propos que vous avez tenu tout à l'heure sur le critique dramatique. Est-ce que vous voulez dire que le public à Pékin s'intéresse davantage à ces problèmes propres, culturels ou idéologiques, ou simplement que les problèmes politiques du Vietnam passent au second plan? Bien, vous savez, on parle du Vietnam et de l'impérialisme en Chine, j'ai l'impression un peu comme on parle du cancer en France. C'est une chose affreuse, méprisable et qui est nuisible, qu'il convient de détruire naturellement, mais Pour beaucoup de Chinois, le Vietnam, c'est tout de même assez loin. Beaucoup de Chinois, je le soupçonne, ne savent pas très bien où se trouve le Vietnam. Ou d'ailleurs la France, ou même peut-être l'URSS. Alors, quelle est leur vie quotidienne? Quels sont leurs problèmes quotidiens? Comment est-ce que vous avez vu une différence entre Pékin en janvier 66 et Pékin en janvier 67, du point de vue de la vie de l'homme de tous les jours? Nous sommes ici dans le monde contemporain, nous nous efforçons d'être les témoins d'une société beaucoup plus que les juges, et d'être l'homme de la rue qui regarde vivre ses contemporains, qui essaie de mesurer l'étiage des problèmes les uns par rapport aux autres. Nous aimerions bien connaître ce que vous pensez, vous, de la vie chinoise d'un an sur l'autre. Et pas seulement de 66 à 67, mais aussi de 55 à 66, puisque vous y étiez 10 ans avant votre retour. Eh bien, si vous voulez, la différence entre 55 et 66, par exemple, c'est une apparente progression économique. Il n'y a pas de doute, par exemple, qu'à Pékin, il y a maintenant des cités ouvrières qui sont construites et qui sont relativement moderne et confortable, n'est-ce pas, à l'échelle chinoise. Enfin. Alors, à quoi ressemble une cité ouvrière chinoise, française? Assez bien, une cité ouvrière française, effectivement, est très propre. Les appartements, en général, ont deux pièces. Il y a une douche et un cabinet de toilette, et vraiment, ça n'est pas mal du tout. Alors, implantation de maisons un peu cubiques en banlieue. Dans la banlieue très proche. Et en fait, les appartements qu'habitent les étrangers, diplomates ou journalistes, sont des appartements de ce genre, mais alors généralement plus vastes et plus confortables, avec deux salles de bain et un chauffage central qui marche très bien. Combien il y a d'habitants à Pékin? Environ 5 millions, 5 à 6 millions si vous comptez la banlieue périphérique. Transport urbain, c'est comment? C'est par autobus en général, ou alors la bicyclette, naturellement, c'est le mode de transport général. Pour le Chinois, n'est-ce pas, l'achat, c'est d'abord une bicyclette, ensuite une machine à coudre et ensuite un poste de radio. Et il y a des tramways, non? Non, pas de tramway. Il n'y a plus de tramway? Plus de tramway, non. Alors, les autobus sont bourrés, grappe humaine ou bien ordre? Oui, les autobus, les Chinois sont toujours très disciplinés et très courtois, mais tout de même, on peut dire que c'est l'affluence, c'est le château de Vincennes à 7h du soir ou à 6h du soir. Mais en permanence? Oui, presque en permanence. Et naturellement, si vous parlez des derniers mois, la présence des gardes rouges a été naturellement très perturbatrice sur ce plan, et les Chinois sont amateurs de bruit, je crois on peut le dire, et de klaxon en particulier, et les conducteurs d'autobus sont des gens impitoyables sur ce plan, puisqu'ils klaxonnent terriblement. Mais l'autobus chinois, ou le trolleybus chinois, très souvent, traîne un deuxième autobus sans conducteur, qui, si bien que sur le même moteur, on se sert de deux véhicules. C'est ça. Ce sont souvent des autobus de fabrication hongroise. Oui. Il y a des autobus de fabrication hongroise qui sont assez modernes et plus autonomes, alors que les bus ou trolleybus de ville, mais les Chinois en font eux-mêmes. Vous vous déplaciez comment à Pékin? Généralement en voiture. Il y a beaucoup de circulation automobile? Dans Pékin, il y a une circulation automobile, naturellement, qui ne se compare pas du tout à celle d'une grande ville occidentale, mais une circulation automobile tout de même qui compte, oui, et surtout, n'est-ce pas, la présence d'innombrables, de centaines de milliers de piétons dans les grandes artères a rendu le trafic automobile très, très difficile. Il faut conduire avec beaucoup d'attention dans Pékin. D'ailleurs, les Chinois sont très pointilleux sur le sujet du permis de conduire. Il est interdit de fumer lorsqu'on conduit, et on ne peut pas être plus de deux à l'avant d'une voiture. Enfin, il y a toutes sortes de détails. Il faut avoir une tension artérielle qui ne dépasse pas un degré soigneusement mis au point. Et les pousse-pousse, enfin, pas les pousse-pousse, mais les remorques. Les pédicabs. Les pédicabs, ça existe toujours. Oui, c'est ça. C'est cyclopousse. Oui, exactement, ça existe toujours. Et c'est-à-dire que les gardes rouges avaient manifesté le désir de les abolir, hein, pas de les. Et d'obliger les clients à pédaler. Ah oui, de mettre, en transportant le pédaleur qui lui-même aurait pédalé pour reconduire le pédaler. Le pédaler, c'est ça. Mais finalement, la suggestion n'a pas été retenue. Et d'ailleurs, les gardes rouges avaient proposé beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues, bien sûr. C'est ce qu'il faut noter à propos des gardes rouges, puisqu'ils avaient proposé, vous le savez peut-être, l'abolition du feu rouge comme feu pour l'arrêt. Oui. Enfin, proposition un peu fantaisiste, quoi. Dites-moi, la vie quotidienne, en ce qui concerne une chose tout de même importante, c'est l'alimentation, le ravitaillement. Mmh. Vous avez vos magasins à vous, c'est facile pour les étrangers, C'est très très facile, mais c'est très très facile pour tout le monde. Les étrangers peuvent aller soit dans les magasins pour étrangers, soit dans les magasins chinois, et vraiment, l'alimentation est parfaitement bien assurée. Il n'y a pas eu de perturbation là-dessus du tout. On avait, les spécialistes économiques de certaines ambassades avaient poussé des cris l'automne dernier parce que les choux qui traditionnellement arrivent par montagne dans les rues de Pékin était un peu en retard. Ils étaient un peu en retard, mais finalement, ils sont arrivés. Est-ce qu'il y a on a une impression de rue Mouffetard ou de rue Lepic? Il y a des grands marchés tous les jours de 8h à midi, une grande abondance de... Pas exactement rue Mouffetard ou rue Lepic, mais enfin, on a une impression dans certaines avenues, mais particulièrement dans la rue Wang Fujin, qui est la grande rue de Pékin, d'une certaine activité commerciale, importante activité qui, naturellement, avait ralenti sérieusement pendant la période août-septembre, qui était la grande phase de la descente dans la rue, si j'ose dire, de la révolution culturelle, et plus récemment. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des marchés comme en France, alors, qui ont lieu trois fois par semaine, ou est-ce qu'il y a des rues où l'on vend les légumes? Non, non, ce sont des marchés plus ou moins permanents. C'est pas à Pékin, il y a un fameux endroit qu'on appelle le marché couvert, qui est malheureusement ou heureusement, est devenu le quartier général des gardes rouges pendant le mois d'août et le mois de septembre. Alors, ce marché, qui est une espèce de marché permanent où on vend aussi bien des canards que des montres... Qui ressemble au Halles, un peu qui de ressemble Paris, un peu, c'est ça? Exactement, oui. Eh bien, alors, ce marché avait donc fermé ses portes. Mais il a rouvert maintenant. Et alors, en ce qui concerne ce qui n'est pas alimentaire, c'est-à-dire chaussures, petits magasins, marchands de cravates, marchands de pantalons, comment est-ce que ça se présente? J'ai un souvenir de Pékin, souvent de grandes avenues assez désertes, Champs-Élysées sans boutique, et puis alors de petites rues très animées. Oui, ça, les Champs-Élysées, alors sans boutique, ce serait du côté de la place Tiananmen, n'est-ce pas, qui est une place très belle et vraiment gigantesque, très vaste. Mais c'est pas pour acheter des chaussures, pour acheter des chemises, pour acheter des montres, un poste de radio, un poste de télévision aussi, ou des chaises ou autre chose, pas. Vous allez généralement au grand magasin qui s'appelle Baihotalo, et là, vous trouvez à peu près tout. Ça n'est pas évidemment un magasin de luxe, mais vous trouvez des chemises qui sont vraiment très bien, vous trouvez des soieries qui sont très jolies, vous pouvez faire un complet, le complet que j'ai sur le dos en ce moment d'ailleurs est un complet qui a été fait en Chine, n'est-ce pas? En combien de nuits? Oh, je ne sais pas en combien de nuits vraiment, mais très rapidement. Vous posez des questions, enfin bref. Et vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que tous les voyageurs qui passent par Hong Kong savent très bien qu'ils donnent leur mesure à 5h du soir et qu'à 6h du matin, on leur livre leur costume. Oui, à Hong Kong. En une nuit, à Hong Kong. À Hong Kong, bien sûr, non, mais à Pékin, c'est différent. À Pékin, on vous fait un complet en 3 ou 4 jours, mais ce que vous faites en général, si vous voulez être sûr de votre affaire, n'est-ce pas? Vous faites faire un complet. Vous avez la précaution de passer par Bond Street si vous êtes très snob avant d'aller à Pékin. Et vous arrivez à Pékin avec un complet de Bond Street et vous donnez votre complet de Bond Street au tailleur pékinois qui vous en fait la copie parfaite. Mais sans ça, il ne la vend pas lui-même. Non. Mais est-ce qu'il y a, vous venez de parler des approvisionnements, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a eu à un moment quelconque des problèmes d'approvisionnement? Est-ce que la révolution culturelle et est-ce que la situation particulière de la Chine, tant à l'égard du monde occidental que de la Russie soviétique, a posé des problèmes d'approvisionnement ou est-ce que le public ne l'a vraiment pas ressenti? Écoutez, c'est très difficile à dire, mais je peux vous dire qu'à Pékin, je ne crois pas. Il n'y a jamais eu de problème? Non, pas du tout, certainement pas, puisque tous les restaurants de Pékin... Et je me suis efforcé d'aller... Non, mais les particuliers. Oui, mais les particuliers, je ne crois pas. Non, vraiment pas. Il y a des queues ou il n'y a pas de queue? Il n'y a pas de queue, non. Tout d'un coup, il y a une queue peut-être pour acheter un nouvel anneau, ou en ce moment, naturellement, la tête de Mao Tse-tung sur une petite broche qu'on se met à la boutonnière, ou alors des citations, ou alors, naturellement, les journaux de garde rouge qui sont une révélation pour les Chinois. Mais il n'y a pas de queue pour acheter des salades, de la viande ou du poisson. Et c'est, le marché, c'est... Et il y en a à volonté. Et même des objets comme la télé, les radios ou les télévisions sont des objets qu'on peut trouver assez facilement, mais surtout même à prix élevé. Et par rapport au montant des salaires, est-ce que le pouvoir d'achat moyen du Chinois est un pouvoir convenable ou est-ce qu'il est, disons, déficitaire? Eh bien, il est déficitaire. On ne peut pas dire qu'il soit déficitaire, non, puisque les prix sont très, très, très, très bas. Mais le salaire moyen industriel, c'est pas le salaire moyen d'un tourneur ou d'un ouvrier spécialisé, atteint à peu près 80 yuan par mois, c'est-à-dire 8 et 8, 16, n'est-ce pas, 160 nouveaux francs, enfin francs lourds, n'est-ce pas, actuels. 160 francs lourds, c'est pas c'est beaucoup. Ça n'est pas beaucoup. Mais ça, c'est le salaire industriel. Le salaire moyen réel, on l'estime à 35-40 yuan dans les villes. Dans les campagnes, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le revenu est partiellement en nature. Et alors, le revenu en billets de banque ne dépasse généralement pas 200 yuan, c'est-à-dire donc 40 000 anciens francs par an. La question que vous posez, c'est de savoir dans quelle mesure la population chinoise se sent concernée par le problème. Qu'elle en soit perturbée en surface, c'est inévitable, mais qu'elle se sente concernée par le fond du problème. Est-ce qu'elle prend parti ou bien est-ce qu'elle le subit? Eh bien, pour le subir, il n'y a aucun doute, elle le subit certainement. Est-ce qu'elle prend parti? Elle doit certainement prendre parti partiellement. Vous comprenez, si vous prenez pour acquis que les Chinois sont des gens comme les autres, et, n'est-ce pas, eh bien, automatiquement, ils ne peuvent pas assister à ce qui se déroule devant leurs yeux en restant insensibles. Pour les Chinois, ça doit être un bouleversement dans un pays où régnait ce qu'on appelle la dictature du prolétariat, et où la dictature du prolétariat a été, d'après les textes officiels, renforcée. Et grâce à ce renforcement, on a pu appliquer ce qu'on appelle une large démocratie. C'est pas lire pour un Chinois que Liu Shaoqi est un brigand, tout d'un coup, sur tous les murs de Pékin. Ça doit certainement faire un traumatisme. Ça doit créer quelque chose. C'est une expérience qui n'a jamais été vécue dans aucun pays socialiste du monde. Alors, pour revenir à un aspect de la vie quotidienne, nous avons lu ici que les écoles, lycées, universités avaient été mis en congé. Par conséquent, oui. Dans les familles, oui. les petits-enfants, les jeunes gens, les adolescents ne vont plus à l'école. Alors, non. Ça crée peut-être une curiosité, une perturbation dans ces familles. Certainement. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gosses? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les gosses, c'est-à-dire les jeunes des écoles secondaires, n'est-ce pas? Enfin, entre, si vous voulez, mettons, 10 ans et 21 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'université, n'est-ce pas? Ils ont été généralement garde-rouge quand ils appartenaient aux quatre catégories qui sont les bonnes, c'est-à-dire les paysans pauvres, les travailleurs, les intellectuels révolutionnaires ou les cadres révolutionnaires, ou les militaires, bien entendu. Mais généralement, ils sont restés chez eux aussi s'ils n'étaient pas garde-rouge. Ou alors, par exemple, je connais le cas d'étudiants chinois qui n'ont pas été admis dans la garde-rouge parce qu'ils n'étaient pas... Ils n'avaient pas une origine sociale favorable à leur entrée dans la garde rouge ou jugée suffisamment bonne, n'est-ce pas? Et puis alors, ils sont restés à l'université, ils ont étudié la pensée de Mao Zedong, puisque c'est le grand sport pratiqué en Chine actuellement. Alors, journée, vie d'un garde rouge et impact, c'est un mot à la mode, impact maintenant, impact de cet afflux de migrateurs sur la vie quotidienne à Pékin. Eh bien, n'est-ce pas, l'impact est évident, puisque... Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? En général, d'abord, il fallait les loger. Alors, pour les loger, on a utilisé ces maisons, justement, ces cités ouvrières dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'ont pas été toutes distribuées. Alors, tout d'un coup, les gardes-rouges sont arrivés dans ces cités ouvrières et les ont certainement laissées dans un état de propreté absolue, je crois, en partant. Mais enfin, ils les ont occupées. Ils ont occupé les écoles qui étaient fermées, les universités qui étaient fermées, qui étaient devenues des casernes de gardes-rouges et aussi les deux dernières églises de Pékin, qui ont été, comme vous le savez, aussi fermés. C'est peut-être la vraie raison pour laquelle on a fermé les écoles, peut-être. C'est possible, mais je crois aussi, vous comprenez, il fallait à la fois constituer la troupe et puis ensuite la loger. Il fallait les ravitailler, il fallait les manger. Exactement, c'est ce qu'on a fait, et aussi leur donner parfois des vêtements. Alors, il y avait des centres de distribution de vêtements. La gare de Pékin était devenue un immense dortoir. En entrant dans la gare de Pékin, vous marchez sur les corps, littéralement, quoi. Et c'est l'armée qui organisait le ravitaillement de ces L'armée, non pas seulement l'armée, la municipalité de Pékin, bien sûr, qui distribuait du riz, ça ne devait pas être une nourriture extrêmement recherchée, mais certainement copieuse et abondante et suffisante. Alors ça défilait, ça chantait, ça hurlait, ça faisait éclater des pétards. Oui, et puis alors aussi, dans la matinée, enfin, nous avons interviewé une fois, n'est-ce pas, un groupe d'une vingtaine de gardes rouges, dont la jeune capitaine de gardes rouges, qui avait, dit-elle, décidé elle-même, enfin qui avait pris l'initiative, qui avait fait la proposition de changer le nom de la rue où se trouve l'ambassade soviétique. N'est-ce pas, c'est le truc qui s'appelait avant la rue du prestige grandissant, c'était une fâcheuse affaire, et maintenant qui s'appelle la rue Fan Xulut, c'est-à-dire la rue de l'anti-révisionnisme. Eh bien, cette jeune fille nous a expliqué que tous les matins, il faisait comme tout le monde, et après leur déjeuner, c'est pas, ils étudiaient la pensée de Mao Zedong. Ensuite, ils avaient un entraînement militaire. Et ensuite, ils réétudiaient de nouveau la pensée de Mao Zedong. Et puis, alors, participaient à des manifestations s'il y en avait. C'était l'action directe. C'est ça. Ou bien, alors, selon le principe du travail manuel, n'est-ce pas, aller donner un coup de main à des ouvriers dans des usines ou à des paysans des communes populaires proches de Pékin. Ou participer à des travaux de creusage dans les rues, ou enfin, un travail quelconque. C'est-à-dire semer la pagaille dans ce genre d'activité? Pas forcément. Quelquefois, naturellement, il y a eu des incidents. Indiscutablement, il a dû y avoir des incidents, parce que certains travailleurs chinois, vous comprenez, doivent être fiers, eux aussi, de leur connaissance, et peut-être n'acceptaient pas les conseils d'un garde-rouge. Mais quelquefois, c'était simplement fait avec modestie, et ça, je le crois. Est-ce que vous avez une idée, après un an de présence à Pékin, sur la raison profonde de cette mobilisation des enfants? Vous savez, j'ai peur qu'en Chine, plus on y reste et moins on comprend, ou moins on ose comprendre, du moins. Alors, mais enfin, j'ai tout de même l'impression, si vous voulez, que la révolution culturelle, c'est partiellement une épuration. C'est indiscutablement une épuration. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? La Chine était dirigée essentiellement par un gouvernement et par le comité central du Parti communiste chinois. Ce comité central est décimé dans une large mesure. Le politburo du comité central est décimé dans une large mesure. Et la commission permanente du politburo, n'est-ce pas? C'est vraiment l'ogive nucléaire de la pyramide politique chinoise, qui se composait de 6 personnes, et bien maintenant on n'en compte plus que 3. Enfin, théoriquement. Et comme nous le rappelait M. Schramm, si l'on y regarde de près, c'est la commission militaire qui a la première préfacé et publié les pensées de Mao. J'aimerais savoir si on peut se rendre compte de la raison qui fait comprendre des gens très jeunes, que Mao a pris des gens très jeunes, pour ça, lui qui n'est pas très jeune. Est-ce que c'est parce que les très jeunes gens sont encore très proches de la violence originelle et qu'on peut les lancer sur des idées fixes avec beaucoup plus d'ardeur, ils n'ont pas encore discipliné ou ils sont pas encore devenus sceptiques à l'égard de la violence? Ou bien est-ce parce que on considère tous les gens qui ont dépassé un certain âge comme déjà contaminés par le révisionnisme et qu'il n'y a que dans les jeunes couches qu'on peut espérer la pureté? Oui. Est-ce que c'est la férocité qu'on attendait ou est-ce que c'est la pureté? C'est certainement la pureté, en tout cas. L'innocence, en tout cas. Partiellement, oui. Enfin, il est évident, si vous lisez les journaux de Garde-Rouge ou les affiches, n'est-ce pas, dans ces affiches et dans ces premiers Tazebao, n'est-ce pas, les premiers qui ont paru, même à l'université Tsinghua ou Peda de Pékin, eh bien, on indiquait dedans que les jeunes Chinois n'allaient pas rester, n'est-ce pas, aux ordres de leurs parents, si leurs parents ne devenaient pas, eux aussi, de nouveaux révolutionnaires. Parce que le but théorique du mouvement, c'est de former une génération de révolutionnaires. Et finalement, je crois que les Chinois croient ce qu'ils écrivent, n'est-ce pas? Un homme nouveau est pour former. S'il faut faire la révolution 15 ans après la prise du pouvoir par les révolutionnaires, c'est que pendant 15 ans, il n'y a pas eu la révolution. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien, justement, c'est la thèse des contradictions. En régime socialiste, c'est une thèse qui a été lancée d'ailleurs par Staline, on peut le dire avant Mao Tse-Tung, mais qui a été reprise certainement par Mao Tse-Tung et développé. De l'accroissement des contradictions de classe au fur et à mesure que se solidifie le pouvoir du prolétariat. Pas forcément de l'accroissement, mais en tout cas de leur existence, indiscutablement. L'aiguisement. C'est ça. Parce que ça pose un autre problème. On ne peut pas espérer, si vous voulez, de ces masses très jeunes de manœuvre, qu'ils aient une conscience marxiste aiguë de leurs problèmes, qui suppose tout de même une formation, une information dialectique qui n'est pas à la dimension de leur âge et de leur génération. Est-ce que un événement comme celui-là n'est pas de nature à diminuer beaucoup le caractère marxiste conscient de l'évolution? Ah, là vous posez un problème très très compliqué. Naturellement, c'est très possible, mais il est indiscutable que ces gardes rouges avec qui nous avons pu nous entretenir, quand je dis nous, je veux dire les 4 correspondants occidentaux de Pékin, et c'est pas dont je faisais partie, eh bien, ces gardes rouges avaient bien lu Mao Tse-Tung, ils avaient quand même des principes marxistes, c'était évidemment scolaire, si vous voulez, mais tout de même, on sentait que c'était pas des ignorants du tout. Est-ce que un correspondant étranger comme vous en Chine voit les forces en présence? Je m'explique, est-ce que vous sentez une force de l'armée, une force du parti, une force des syndicats, un spontanéisme des masses? Comment, qui commande, qui l'emporte, qui peut rétablir l'ordre? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Comment ça se présente? C'est aussi une question qu'on se pose et à laquelle on ne peut pas répondre d'une façon bien établie. Ce qui est certain, c'est que les gardes rouges, ou ce qu'on appelle actuellement les rebelles révolutionnaires, c'est-à-dire donc ce qui correspond à la garde rouge, n'est-ce pas, est issu de l'université, et les rebelles révolutionnaires sont issus des usines ou des ministères ou des entreprises publiques. Bon, dans tous ces groupements, dans toutes ces entreprises plutôt, vous avez une minorité de rebelles révolutionnaires qui sont les maoïstes purs. Eh bien, quand ils organisent des manifestations, vous voyez très bien que peut-être tous les 20 ou 30 individus, l'un, une sorte de meneur, a une feuille de papier avec les slogans, et c'est lui qui mène le groupe. Tout le monde obéit à ses ordres. Minorité agissante, alors. C'est ça, minorité agissante, absolument. Et comment une sorte d'appareil dans le parti, si vous voulez. Comment expliquez-vous une mesure comme, peut-être le mot est impropre, la dissolution ou la réorganisation totale des syndicats? Ça n'a pas été la disparition des syndicats, mais ça a été la disparition de la tête syndicale. Il n'y a pas de doute. Mais les sections syndicales, les organisations syndicales qui avaient une existence continuent à l'avoir. Théoriquement, elles existent toujours, oui. Théoriquement, elles existent toujours. Parce que la Fédération des syndicats chinois, au moment où certains journaux se fiant à certaines affiches ont affirmé que les syndicats étaient abolis, eh bien, à ce moment-là, la Fédération des syndicats chinois envoyait protestation sur protestation aux soviétiques à la suite de la conférence de Sofia. C'est-à-dire qu'elle existe, au moins théoriquement. Bon. Et les conséquences économico-productives de ces grands mouvements? Moi, je n'ai pas l'impression que la production est perturbée. J'ai l'impression que, dans l'ensemble, les usines tournent. Il y a eu des incidents indiscutablement. Il y a eu des arrêts de travail indiscutablement aussi, provoqués par l'opposition, si on peut dire. Mais dans l'ensemble, je crois que la production se poursuit bien. Et, d'ailleurs, vous comprenez, à certains indices, ça sent. On voit quand même dans Pékin, en pleine révolution culturelle, des pédicats, parce que vous savez que l'attraction humaine est très employée encore en Chine, n'est-ce pas? On voit des bicyclettes, on voit des voitures d'enfants, on voit tout ça. On a l'impression que la production se poursuit. Francis Crémieux évoque avec raison les forces en présence, mais d'une façon que j'appellerai un peu systématique, parce qu'on a un peu tendance dans les pays socialistes à considérer comme forces en présence les gens qui sont au pouvoir, les gens qui tiennent les manches et les gens qui tiennent les postes. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont véritablement populaires. On en a beaucoup d'expérience. Et oui, et j'aimerais bien savoir si dans les forces en présence, la masse des indifférents, la masse des gens qui s'en moquent, la masse des gens qui en ont assez de cette agitation, de cette férule, de cette dictature, de cette férocité ambiante, représente une masse importante, et si cette masse trouve le moyen de s'exprimer, sinon activement, ce qui est peu probable, au moins passivement. Et certain, n'est-ce pas, que si vous travaillez dans une usine chinoise, et si le rebelle révolutionnaire en chef de votre entreprise vous dit... Eh bien, demain, nous allons protester contre les atrocités fascistes, par exemple, de la police française ou de la police soviétique ou de je ne sais quelle police du monde. Bien, vraisemblablement, vous irez manifester. Oui, mais si vous n'y allez pas, quelles mesures de pression ont-ils? Y a-t-il une police, par exemple, secrète ou pas secrète, en uniforme ou sans uniforme? Ça, c'est ce que je ne sais vraiment pas. Mais j'ai l'impression que tout de même, tous les Chinois, n'est-ce pas? C'est un système pyramidal parfaitement ajusté. Chacun a un dossier. Mais ce n'est pas possible physiquement. Vous parlez de manifestation devant l'ambassade de France. Par exemple, si tout le monde y va, ça fait 6 millions de personnes. Vous savez bien que ça ne fait pas 6 millions de personnes, ça en fait 15 000, ça en fait 20 000. C'est ce qui fait tout de même 6 millions moins 20 000 qui n'y vont pas. C'est toujours la même chose. Où la Chine est un phénomène tout à fait extraplanétaire, ce que je n'exclus pas du tout de mon esprit d'ailleurs, ou alors, dans tous les pays qu'on connaît, il y a au moment des grandes mutations eu un pourcentage faible, moi j'évalue à 10%, on peut dire 15%, peu importe, du reste c'est pas un pourcentage précis qui compte, qui sont des engagés, qui sont des combattants, qui sont prêts à soutenir une cause. Vous avez à peu près à l'autre extrémité un pourcentage à peu près équivalent de gens qui sont d'une hostilité systématique et qui forment aussi, comme dans la résistance, la collaboration, tout ça, n'est-ce pas? C'est toujours un peu le même pourcentage, mais il y a au milieu une énorme masse qui ne demande qu'à vivre, qui se moque de ses problèmes idéologiques, qui n'est pas plus pour ceci que pour cela, qui a besoin d'élever ses enfants, qui a besoin d'arriver au bout de sa vie, de faire son métier, de faire tourner son affaire. Et tout de même, j'aimerais bien savoir si en Chine, la masse chinoise est une masse engagée ou mobilisée, ou si c'est comme partout une masse qui attend que ça se passe. Ça, c'est lui. Ça, il dit comme partout, c'est pas du tout mon avis, mais la question mérite d'être posée. Oui. Enfin, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, je ne sais pas ce qui arrive aux Chinois qui n'obéissent pas au conseil que leur donnent les chefs de groupe, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, par exemple, c'est que, n'est-ce pas, quand je suis arrivé à Pékin, pas un Chinois n'avait la tête de Mao Tse-tung sur son veston. Pas un. Eh bien, maintenant, ils l'ont tous. Bon, quelqu'un a tout de même dû leur faire comprendre qu'il fallait la mettre. Oui. Bon, alors, je ne sais pas comment les ordres sont transmis, je ne sais pas ce qui arrivera à quelqu'un qui refuserait d'épingler la tête de Mao Tse-tung sur son veston, mais enfin, le fait est que maintenant, tous les Chinois ont ce petit écusson. La masse des indécis dont vous parliez, elle existe certainement. Et d'ailleurs, dans les publications officielles chinoises, on en fait état constamment. Mais on dit justement aux rebelles révolutionnaires que leur mission consiste à former l'unité, selon le principe, n'est-ce pas, maoïste bien connu, n'est-ce pas, de refaire l'unité pour arriver finalement à regrouper 95% des forces autour du meilleur thème. Il y a une chose que nous n'avons pas du tout abordée, sans doute parce que nous n'avons pas le temps, c'est les luttes internes dans le Parti communiste chinois. Il y a un fait que j'aimerais entendre confirmer ou démentir, c'est que tout de même ces hommes sont des marxistes. Ils sont au pouvoir non depuis 15 ans. Et ils ont mené une lutte révolutionnaire depuis 30 ans. Ce ne sont pas des apprentis sorciers. Ils ont eu une formation marxiste, léniniste, stalinienne, tout ce que vous voulez. Bon, oui. Donc, il y a, à votre avis, y a-t-il à l'intérieur du parti deux grands courants, l'un qui est le maoïste et l'autre qui est le non-d'accord avec maoïste, oui. Mao. C'est en ce moment, indiscutablement, oui. Bien sûr. Vous avez dit, on a le comité central a été bouleversé, il n'y a pas de congrès de réélection, on a changé, on a coopté de nouveaux membres au Politburo. On peut dire sans mentir qu'il y a des mouvements intérieurs de cooptation. Ah, mais écoutez, la presse chinoise ne le cache pas, c'est une désinformation. C'est pas, il n'y a aucun doute que quand le chef d'état-major de l'armée est limogé, que lorsque Peng Chen, qui était... certes, n'était pas membre de la commission permanente du Politburo, mais était le personnage qui venait juste après. Il était le septième personnage de l'État au point de vue pratique. C'est pas élimogé lui aussi. C'est certainement le signe d'un désaccord. Bon, alors, sait-on quelles étaient les positions de ces gens limogés? Non, on ne le sait pas, puisque, n'est-ce pas, Mao Tse-tung a expliqué une fois dans un article il y a très longtemps, les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, nous les privons de la parole. C'est très simple, c'est ainsi que s'applique la dictature du prolétariat. Bon. C'est un principe marxiste qui a été appliqué dans bien d'autres pays marxistes que la Chine, n'est-ce pas? Bon, donc Peng Zhen n'a jamais fait un discours pour dire « Moi, je trouve que Mao Tse-tung a tort à tel sujet ». En revanche, on voit par exemple dans les journaux de Garde Rouge des réquisitoires très longs avec citations à l'appui démontrant que Liu Shaoqi, le président de la République, et Deng Xiaoping, le secrétaire général du Parti communiste, n'est-ce pas, étaient des anti-maoïstes pour telle et telle raison. Par exemple, Deng Xiaoping avait dit « Eh bien... Mao Tse-tung est un homme très bien, mais c'est pas aller se baigner dans le Yangtze comme ça au mois de juillet, c'est ridicule, c'est dangereux. Et vraiment, on a essayé de le persuader de ne pas nager pendant une heure et demie. Et néanmoins, Mao Tse-tung n'en a fait qu'à sa tête. Une portée idéologique restreinte. Très restreinte. Mais enfin, je ne vais pas vous ennuyer avec des récits plus longs du réquisitoire idéologique qui est fait contre Mao Tse-tung, et contre Deng Xiaoping et contre Liu Shaoqi. Enfin, si vous voulez, mon opinion personnelle, c'est qu'en fait, il y avait deux oppositions à Mao Tse-tung. Une qui était peut-être dirigée par Peng Chen, Lou Zhuqing, Lu Tingyi, par exemple, et Yang Shangkun, n'est-ce pas? Cette opposition-là était l'opposition qu'on peut appeler révisionniste, non pas parce qu'elle est pro-soviétique, parce que personne n'est pro-soviétique en Chine, mais parce qu'elle était probablement pour une petite société de consommation à la chinoise. C'est-à-dire qu'en visitant Pékin, vous verrez, nous en parlions tout à l'heure, n'est-ce pas, ces cités ouvrières relativement modernes, et on sent que le maire de Pékin est un homme qui a dû dire, eh bien, c'est la pause, n'est-ce pas, nous avons beaucoup lutté, et nous pouvons peut-être vivre un peu mieux maintenant. Et Mao Tse-tung et Liu Shaoqi et Deng Xiaoping étaient probablement contre ce point de vue. Liu Shaoqi, lui, devait être favorable. Ceci dit, je me lance dans des spéculations dont je ne suis pas du tout certain. Naturellement, il faudrait une documentation très, très vaste pour prouver tout ça. Mais mon impression, c'est que Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, qui sont des hommes d'appareil de parti, qui sont des hommes issus de l'industrie, qui représentent les couches urbaines, n'est-ce pas, défendaient un certain industrialisme, si vous voulez. L'économisme, c'est un peu, c'est une phase un petit peu, mais qui découle de cette industrialisation. Il y a eu tout de même en Chine deux grands mouvements de masse, de bons en avant, commune populaire, campagne de haut fourneau, qui ont donné des résultats qui économiquement étaient contestables. C'est peut-être à partir de ces échecs. Justement, tous les gens qui sont limogés, vous le notez, c'est pas, on leur reproche d'avoir critiqué le grand bond en avant et les communes populaires. Par exemple, Liu Shaoqi, maintenant, est accusé d'avoir, en fait, critiqué le bond en avant. Sun Yefang, qui est le grand économiste chinois, qui était le grand économiste chinois et qui était vraisemblablement le théoricien de cette espèce de révisionnisme de Peng Zhen, n'est-ce pas? Eh bien, qui a été limogé, on lui reproche à lui également d'avoir pris des positions de ce genre. Donc, il y a bataille. Oui, on lui reproche d'avoir dit que le grand bond en avant était en fait un grand bond en arrière. Bon. Une question que je voudrais poser pour conclure à M. Vincent, après l'exposé passionnant qu'il nous a fait. Est-ce qu'on trouve des Chinois qui parlent français? Oui, bien sûr. Parce que je me demande si nous ne devrions pas un jour, Francis Crémieux, aller planter notre micro du monde contemporain et aller retrouver M. Vincent à Pékin. Ah oui. Et essayer de faire un jour un duplex en direct depuis Pékin avec nos amis parisiens. C'est possible, oui. Ça. Vous téléphonez de Pékin à Paris. Quelquefois, on me téléphone de Paris, et à ce moment-là, c'est très possible. Ça passe par bien où? Bien sûr, ça passe sans doute par Moscou. Oui. Par Moscou, oui, c'est très facile, enfin. C'était Le Monde Contemporain, par Jean Debert et Francis Crémieux, qui, le 25 février 1967, recevait Jean Vincent, correspondant de l'agence France Presse à Pékin. En 1967, Johnny Hallyday chante la version française de « Hey Joe ». Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Allez savoir. Le Vietnam, la bombe, il s'en fout de tout ça, Joe. Heureusement, tout le monde n'est pas atteint par ce détachement. Tout le monde ne souffre pas de cette regrettable absence d'empathie. Le Vietnam, la bombe, personne ne s'en moque. En Europe, en tout cas. En revanche, sur la 42e rue, à Broadway, certains passants ne savent même pas ce qu'est le Vietnam. D'un jour à l'autre, par Jean Chouquet, Hélène Tournaire et Jean-François Noël, interview de Roger Pic et William Klein. Nous étions le 2 juillet 1967. Yann Klein, Hélène Tournaire est l'un des metteurs en scène de ce film. Je l'ai dit, mais avec qui? Mais avec beaucoup d'autres, en particulier Chris Marker, Jean-Luc Godard, Alain René, Agnès Varda, Claude Lelouch, Doris Ivens, Roger Pic. Et avec aussi les films pris par Michel Rey au Vietnam. Et c'est un... L'histoire de ce film est assez drôle. Un jeune étudiant est allé voir Chris Marker, je crois, pour lui dire, pour lui demander ce qu'on pouvait faire pour le mouvement du milliard pour le Vietnam. Et Chris Marker a dit, mais pourquoi pas un film? Il a téléphoné à ses amis et dans la journée, le film était décidé. Et il est assez curieux parce que il ne se présente pas par séquence fixe. Les images sont mêlées, on ne sait pas qui est qui. C'est un film réalisé gratuitement. Et... Oui, par tous, par les techniciens, les metteurs en scène, etc. Et le sens profond de l'entreprise? C'est que nous sommes tous loin du Vietnam, parce que nous n'y comprenons rien. C'est pourquoi Gilbert Maurice Dupresse avait demandé à Roger Pic, le photographe qui a été blessé la semaine dernière au Vietnam d'ailleurs, et qui faisait une exposition de photos au Moulin d'Andé en début de juillet cette année, de lui décrire un peu ce qu'était le Nord-Vietnam. Quand on va au Vietnam Nord, on s'attend évidemment à voir un pays complètement détruit par les bombardements, car ils sont quotidiens et ils ont lieu partout. Et effectivement, on constate que tout est à peu près démoli et atteint. Mais ce que l'on constate en même temps, c'est qu'il y a une possibilité de résistance chez le peuple vietnamien qui est absolument insoupçonnable pour des Européens. En plus, on constate également que ces bombardements n'ont pas du tout les mêmes effets qu'ils pourraient avoir dans des pays d'Europe. Même une ville comme Hanoï, c'est une ville qui ne comprend que des petits bâtiments, bas, des petites villas, et tout cela est d'un urbanisme assez clairsemé. Ce qui fait que même quand on déverse des milliers de tonnes de bombes, comme le font les Américains quotidiennement sur le Vietnam, c'est loin d'avoir les effets que ça pourrait avoir sur des villes ou des villages dans nos pays d'Europe. Je crois qu'aucun de ces pays ne résisterait plus de 8 jours, et qu'on tomberait à genoux immédiatement et qu'on demanderait la cessation des bombardements à n'importe quelle condition. Quand Ho Chi Minh dit que les Vietnamiens résisteront 5 ans, 10 ans et même davantage s'il le faut, quand on va là-bas, on s'aperçoit que ça peut être vrai. Les Vietnamiens sont en résistance et en lutte depuis plus de 20 ans. Ils ont l'habitude de vivre dans des conditions extrêmement rudimentaires et l'état actuel de cette guerre ne les surprend qu'à moitié. En plus, il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de continuer à faire tourner le Vietnam. Et c'est là où c'est très étonnant, c'est qu'il y a au contraire encore maintenant davantage d'enseignements qu'on pouvait en faire il y a 2 ans et 3 ans. Le nombre des étudiants a doublé. L'industrie s'est complètement décentralisée et je crois que la production ne se ressent pas des bombardements. Malgré qu'on ait démoli toutes les usines, on avait déjà déplacé la plupart des machines. Tout cela est clairsemé par petites unités. Il y a 25 machines ici, 25 là, dans des espèces de constructions souterraines, secrètes. Cette dispersion, cette mise en pointillé de toute la petite industrie vietnamienne lui permet de continuer à fonctionner. Et c'est ça qu'un photographe ou un cinéaste est amené à voir, à constater. Et il est certain que c'est extrêmement passionnant de pouvoir voir à quel point les Vietnamiens ont cette possibilité de résistance. Ce petit peuple de paysans pauvres, comme on l'a écrit, ne se laisse pas infléchir en face du plus grand colosse militaire du monde. Mais enfin, Hélène Tournaire, vous qui êtes allée au Vietnam, vous qui avez écrit un livre qui s'appelle « Le livre jaune du Vietnam », est-ce que vous croyez vraiment à des possibilités infinies de résistance? Mais j'en suis sûre. Moi, je suis beaucoup plus sceptique que vous, parce que quand enfin il dit, que l'industrie va s'éparpiller en petits groupuscules, vous ne pouvez pas, on ne pourrait pas en France, enfin, non, éparpiller en France, le bassin non. des Lagnétaires ou les usines Schneider, ce n'est pas pensable, on ne peut pas les mettre en petits morceaux dans la Beauce. Mais par exemple, on bombarde maintenant, les Américains bombardent actuellement le pont Paul Doumer, que l'on a toujours considéré comme vital pour le Nord. Mais lorsque j'étais au Nord Vietnam déjà, il y a plusieurs années, les Vietnamiens s'exerçaient au bombardement éventuel du pont. Et toutes les nuits, ils montaient des ponts de bateaux, ça durait 10 minutes, et ils traversaient. Et il y avait une manœuvre par semaine pour traverser sur pont de bateau. Tout est prévu. Je veux dire, c'est des notions qui, évidemment, en Occident, nous paraissent bizarres, surtout après l'expérience de 40. Écoutez, j'ai fait une expérience très très curieuse. J'étais à Saïgon. Et même de 44. J'étais à Saïgon, il y avait une épidémie de choléra. 40 000 personnes étaient mortes dans les 15 jours. C'est-à-dire, c'est une épidémie assez sérieuse, celle qui précède l'épidémie de peste annuelle. Et toujours, le gouvernement de Saïgon me demandait ce que j'allais faire pour dire du bien et envoyer dans tous les journaux des photographies d'étudiants qui allaient vacciner les pauvres populations des faubourgs. Alors, j'ai dit au ministre que j'allais photographier pour dire qu'il faisait quelque chose de bien. Je n'ai jamais pu avoir un rendez-vous. Et quand je suis passé dans la guerre avec le Front National de Libération, j'ai vu qu'ils avaient découvert un vaccin contre le choléra, qu'ils tiennent secret pour avoir une donnée économique à exploiter après la fin de la guerre, car ils y croient, et que gratuitement, tous les Vietcong vaccinaient toute la population de Saïgon au nez et à la barbe de tout le monde. Car ils sont fraternels. C'est une histoire extraordinaire. Mais je reviens, vous savez, des États-Unis. Oui. Alors là, j'ai été absolument terrifié par l'incompréhension absolue que les Américains ont de toutes les guerres. Ils ne savent pas ce que c'est, et en particulier de cette guerre. Et j'ai vu des défilés de gens réclamant, enfin, des choses invraisemblables que la moindre décence interdit de dire. Et William Klein, qui est américain, vous le savez, a tourné des séquences dans les rues de New York qui sont très extraordinaire, et où l'on voit le reflet de cette violence américaine. Et nous lui avons demandé par téléphone de nous dire comment elle avait tourné une certaine séance dans Wall Street. Ce que j'ai constaté en Amérique, c'était que les gens, malgré qu'ils peuvent apprendre tout ce qui est à savoir sur la guerre, ils sont tellement saturés par les informations qu'ils ne peuvent plus les apercevoir. Ils deviennent hypnotisés par des images sans savoir ce qu'il y a dedans. Bon, on parlait de cette manifestation contre la guerre qui se passait à Wall Street. Il y avait une cinquantaine de personnes qui créaient des slogans et qui marchaient avec des pancartes. Et dans peu de temps, environ 2 ou 3 000 personnes, de gens qui travaillaient dans les bureaux, les passants, etc., se sont massés autour d'eux et les contraient, hurlaient des contre-slogans. Et à la fin de cette manifestation, tous les passants reprenaient en chœur la phrase « bombarder Hanoï ». Alors là, je suis certain que ces gens-là, littéralement, ne savaient pas ce qu'ils disaient, parce qu'ils savent pas ce que c'est un bombardement, ils savent pas ce que c'est Hanoï. Si vraiment ils pouvaient imaginer ce que c'est d'être bombardé comme l'aviation américaine les bombarde journellement, je pense que ce serait physiquement impossible pour eux de se conduire comme ça. Et il y a une confirmation même de ce que je dis là qui était dans une autre partie du film. Il y avait un poète américain qui, au coin d'une rue, hurlait le mot napalm en faisant des espèces de jeux rythmiques avec le mot napalm pour justement exprimer l'horreur que lui inspirait ce mot. Et il était aussi entouré d'une foule de gens sont venus pour voir ce qui se passait et qui a vu ce bonhomme qui hurlait comme ça au milieu d'une rue, la 42e rue à New York. Et peu à peu, nous nous sommes rendus compte que les gens n'étaient pas horrifiés parce que disait ce bonhomme, parce que, et ceci est presque incroyable, ces gens-là, 42e rue au Broadway, ne savaient pas ce que c'était le napalm. Et il fallait que ce poète leur explique. Et j'ai vu sur le visage des gens qui regardaient vraiment de l'horreur. Ils pensaient que c'était horrible que un produit comme ça existe. Mais le fait est que là, sorti du contexte habituel de radio, de télévision, de journaux, où ils n'écoutent plus, où ils ne voient plus, tout d'un coup, ils étaient forcé de se rendre compte que telle chose existait et écouter une explication. Alors, c'était ça une chose qui me frappait, que les Américains vraiment ont un grand mal, et, vu la saturation de la presse, de la publicité, de tous les moyens de communication, de savoir quoi que ce soit, quoi que ce soit. Extrait de D'un jour à l'autre par Jean Chouquet, Hélène Tournaire et Jean-François Noël, avec Roger Pic et William Klein. Nous étions le 2 juillet 1967 sur France Culture. William Klein, Chris Marker, Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Agnès Varda, Alain Resnais, Joris Ivens, au générique de Loin du Vietnam, en cette année 1967. Et Jean Renoir, autre génération de metteurs en scène, certes. Jean Renoir, il a d'autres projets qu'il confie au micro de Monique Berger. Des projets et un point de vue sur les hippies. Je suis en train de bâtir l'histoire. Et il est trop tôt pour en parler. Je serais trop heureux de vous en parler quand je serai un petit peu plus avancé dans mon travail. Mais la seule chose que je connais, c'est le personnage principal. Je rêve de faire jouer à Jeanne Moreau un rôle de clochard. Boudu ? Oui, c'est ça, un boudu femelle. C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a dans votre idée une association d'esprit avec les chairs hippies de la californienne? Non. Remarquez que les hippies m'intéressent beaucoup et que beaucoup d'entre eux sont extrêmement sympathiques. Mais néanmoins, je crois que le vrai clochard ou la vraie clocharde ont été les ancêtres des hippies et l'ont été d'une façon pas intellectuelle. Ils l'ont été non pas parce qu'ils voulaient protester contre la société telle qu'elle est maintenant, mais ils se sont fait clochard simplement par un désir sincère de liberté, par un désir sincère de ne devoir rien à personne. Les hippies aussi ont un désir sincère de ne devoir rien à personne, mais leur approche est un peu plus théâtrale. Le clochard, et puis ils ont des aides, ah oui, que n'ont pas les clochards. Cette armée du salut, les Diggers, ou je sais plus comment ça s'appelle, cette armée du salut hippies qui va leur apporter à manger, qui les loge. Oui, d'un autre côté, le mouvement hippie fait partie de beaucoup de mouvements américains. Il y en a beaucoup de ce genre qui marquent que je dois dire sont des mouvements extrêmement sympathiques, tous. Le peuple américain, en ce moment-ci, est en train de marquer un désir de critique de la société que eux, comme nous, ont bâtie, qui est assez sympathique. Oui, il se rapproche de Whitman, de Thoreau. Surtout de Thoreau. Any lane, there is a barb showing photographs. Of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Shelter in the middle of the roundabout, a pretty night. she feels as if she's in a play. She is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange, Penny Lane. Les hippies. On aime y revenir souvent aux hippies en 1967. Ils sont tellement folkloriques. Du reste, tout le monde, liberté sexuelle espérée, se sent plus ou moins hippie, ou du moins proche d'eux, un peu redevable à ces jeunes gens si exotiques de l'autre côté de l'Atlantique. D'un jour à l'autre, encore, par Jean Chouquet, Hélène Tournaire et Jean-François Noël, nous sommes cette fois le 11 octobre 1967. Vous avez reconnu, Hélène Tournaire, les Beatles de l'Inde, je ne dirais pas le titre. Revenons justement à l'Inde, d'une part, et d'autre part aussi à un de nos thèmes favoris. Les hippies, bien sûr, nos chers petits hippies. Mais nos chers hippies posent plus de problèmes qu'on ne croit. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir des cheveux longs, un truc en perles autour du cou, et une chemise brodée, non, c'est une limace imprimée. Ça n'est pas tout. Et les hippies refusent la société des biens de consommation, pour ennuyer le président Johnson, remarquez en principe, et pour d'autres raisons. Et aussi, parce que nous en discutions avec Max-Paul Fouché, on invite les gens à acheter des choses par des images érotiques. Et si les hippies n'achètent pas de limaces en soie, c'est pour refuser aussi d'autres choses telles que le matriarcat américain, ainsi que Max-Paul Fouché nous le disait. Je crois que vous soulevez là une question très importante, puisque nous nous trouvons aux États-Unis, dans un pays où le matriarcat est presque déjà régnant, n'est-ce pas, si je ne me trompe. Plus de la moitié de la fortune américaine est dans les mains des femmes. Nous savons qu'aux États-Unis, les grandes fabriques d'habits, de cravates, enfin, pour les hommes, ne tiennent compte que du désir de la femme. L'homme porte la cravate que la femme souhaite. Il y a là une transformation qui n'est pas forcément d'ailleurs heureuse. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'elle soit heureuse d'après ce qu'on voit aux États-Unis. Certainement pas. Mais dans ces réactions des hippies, comme dans ces réactions des jeunes provos, il y a là un phénomène de la plus grande importance et que l'on aurait tort de traiter uniquement par des méthodes policières. L'erreur même, c'est de traiter un si grave problème uniquement par des rafles faites par les policiers, comme je le vois de ma fenêtre dans la rue où j'habite. Car quelque chose se prépare là, peut-être un nouvel ordre qui commence par l'anarchie, comme tous les ordres, bien sûr, et c'est une facilité de le dire, mais je crois qu'il faut le dire à ce moment-là. Cette jeunesse cherche quelque chose. Elle cherche quelque chose parce que nous ne lui avons rien donné. Et cette espèce de, comment dirais-je, de cohabitation dans l'aventure, dans la misère, dans la crasse même, qui caractérise les beatniks ou les hippies, n'est-ce pas, a ceci d'intéressant, c'est que le jeune homme et la jeune femme se trouvent affrontés au même problème d'existence et au même rejet de la fausse existence et du faux ordre. Voilà quelque chose qui doit être considéré et d'où pourrait sortir demain un ordre plus libre. Car, pour en revenir à l'érotisme, nous sommes malades, nous, d'érotisme, mais non pas parce que nous faisons trop l'amour. Hélas, non, la vie contemporaine nous empêche de le faire souvent, ou aussi souvent qu'on le souhaiterait, mais parce que pèse toujours sur nous une somme de tabous, de fausses conceptions, de peur, la peur chez la femme, par exemple, d'avoir des enfants au premier contact sexuel. C'est une chose qui va diminuer grâce à la pilule, du moins je l'espère, et c'est un progrès immense dans l'histoire de l'humanité. Or cela, bien entendu, on n'en parle pas. Mais lorsque je pense, pour ma part, à la pilule, eh bien, ce n'est pas strictement en fonction du birth control, vous l'imaginez bien, ou de situations particulières d'humains qui n'ont pas à avoir d'enfants et qui ne doivent pas en avoir, mais parce que ça va peut-être permettre demain une libéralisation, une liberté de l'amour physique qui me paraît extrêmement importante, parce que si je me fonde sur l'exemple de l'Inde, eh bien, il y a ceci, c'est que la chair délivre l'esprit. La chair satisfaite rend l'esprit plus libre, rend l'esprit plus haut. La chair non satisfaite crée des maladies de l'esprit. Elle avait un chandernagore de classe. Elle avait un chandernagore rablé. Pour lui seul, elle découvrait ses cachemires, ses jardins, ses beaux quartiers, enfin son chandernagore. Pas question, dans ces conditions, d'abandonner les comptoirs de l'Inde. Elle avait de Yanaon, de cocagne, elle avait de Yanaon ronds et frais. Et lui seul, s'aventurait dans sa brousse, ses vallées, ses collines de Yanaon. Pas question, dans ces conditions, d'abandonner les comptoirs de l'Inde. Elle avait un petit mail fragile. Elle avait un petit mail secret. Mais il dut à la mousson éteindre ses feux de Bengale, s'arracher, s'arracher aux délices de mail. Pas question dans ces conditions d'abandonner les comptoirs de l'Inde. Elle avait le Pondichéry facile. Elle avait Pondichéry accueillant. Aussitôt, aussitôt, c'est un nouveau touriste qu'elle fit voir son comptoir, sa flore, sa géographie. Pas question, dans ces conditions, de revoir un jour les comptoirs de l'Inde. Extrait de D'un jour à l'autre par Jean Chouquet, Hélène Tournaire et Jean-François Noël, avec Max-Paul Fouchet. Nous étions le 11 octobre 1967 sur France Culture. Évidemment, nous ne quitterons pas l'année 1967, samedi et dimanche prochain. Nous déambulerons dans Paris en compagnie de Harold Portnoy à la découverte de touristes ou de parisiens ravis ou désabusés. Samedi, près de Notre-Dame, Notre-Dame du bavardage. Dimanche, aux abords du Louvre, Mona Lisa de tous les cœurs. Mais heureusement, nous saurons aussi quitter la capitale. Samedi, en suivant une enquête de Colette Garrigue, comment vit la province aujourd'hui, ah, si Paris était à la campagne. Dimanche, en visitant une bibliothèque de province, celle de Rodez, précisément, aux côtés de Luc de Caunes. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan. Réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.